9h05 sur Inter. François Morel, c'est à vous. Le 7-9 sur France Inter. François, c'est à vous. Profitons du printemps. Un peu de répit dans une actualité préoccupante. Un peu de douceur et de poésie. Un peu de gentillesse et de bonheur. Des rayons du soleil, la fraîcheur d'une fontaine et le chant des oiseaux. Parlons chanson. Ainsi que le disait à l'occasion de la sortie de son dernier album Jean-Louis Murat, c'est la crise. Les salles prennent moins de risques et préfèrent programmer des gros cons comme Renaud ou Polnareff. Assurant la promotion de son dernier CD, le gros con précité, Renaud, avait déclaré « Polnareff, je crois que les gens s'en foutent un petit peu, si j'en juge par le nombre de locations pour ses concerts qui sont annulés à tour de bras, ces ventes de disques qui sont plus que moyennes. » Heurté, l'autre gros con susnommé Polnareff, immédiatement tweeté perfidement « Je ne vois pas de quoi il parle », puis exprimer sa déception vis-à-vis d'un ancien ami à qui il avait présenté ses docteurs. Christophe, quant à lui, déclarait « Polnareff, je ne l'ai jamais aimé ». C'était avant que Renaud ne proclame « Jamais on a vu Jean-Jacques Goldman dénoncer une injustice ». C'était dans une interview au cours de laquelle l'auteur de Mistral gagnant disait notamment sa passion pour François Fillon. Puis Renaud se rétracta, rendit hommage à Jean-Jacques Goldman, puis démentit son soutien à François Fillon. « Cher Renaud, votre tournée est prévue pour l'année prochaine, il reste donc encore de longs mois à tenir. Si vous voulez assurer votre promotion de façon continue, il vous faudra distiller de façon régulière des déclarations encore plus fracassantes afin d'incessamment remplir de votre nourriture médiatique la grande gueule de la presse, insatiable mangeuse, inépuisable dévoreuse, impitoyable ogresse. Elle a faim, la bête curieuse, chante Maxime. Je vous propose plusieurs pistes de réflexion et vous suggère un certain nombre de propositions dans lesquelles vous pourrez faire votre petit marché. Il reste encore pas mal d'artistes vivants qui méritent également votre regard exigeant et pourraient être objet de vos futurs messages. Vous pourrez ainsi affirmer que Hugo Frey pue des pieds, Maxime Le Forestier se promène souvent la braguette ouverte, Julien Clerc ne tire pas toujours la chasse après ses passages aux toilettes, Véronique Sanson pète au lit, Pierre Perret pue de la gueule, Louis Chédid fait du psoriasis, Charles Aznavour est un obsédé sexuel, Juliette fait des rototos à table, Florent Pagny a des herpès, Patrick Bruel imite régulièrement Groucho Marx tout en posant ses lunettes sur son sexe afin de déstabiliser de manière peu fair-play ses adversaires de poker. La liste est naturellement infinie, vous pourrez également affirmer que Vincent Delerme a des pellicules, Benjamin Biolay se teint les cheveux, Eddie Mitchell et Johnny Hallyday ne se déplacent plus qu'en déambulateur et que Benabar porte des talonnettes. Vous pouvez, à votre convenance, plus simplement faire ce qu'on peut appeler une muraterie en disant que ce sont tous des gros cons. Vous pourrez, par ailleurs, cher Renaud, dans les jours qui viennent, annoncer votre soutien à Jacques Cheminade ou à Nicolas Dupont-Aignan ou à Nadine Morano ou à Jean-François Copé ou au roi de France ou à ma sœur, ou afin de faire marche arrière dans de nouvelles déclarations qui seront à nouveau des sujets, de nouveaux articles, explications, commentaires divers. Comme dit joliment Alain Souchon, la chanson, c'est une caresse sur la joue. On ne peut pas mieux dire, on pourrait quand même ajouter « Le chanteur, c'est mon poing sur les gueules ». François Morel, depuis France Bleu Armorique.